Aujourd'hui, je vais vous parler de la concentration. La concentration est ce facteur de l'esprit qui atterrit sur l'objet d'observation. Il y plante ses griffes, il le pénètre et s'y maintient. Le mot pali est samadhi. La caractéristique de samadhi, c'est la non-dispersion, la non-dissipation, le non-éparpillement. Ceci veut dire que l'esprit adhère fermement à l'objet d'observation. Il y coule, il s'y maintient calmement et immobile. Il y a deux types de concentration, deux types de samadhi. Le premier, c'est la concentration continue ou la concentration d'absorption, apana samadhi. Et le deuxième, c'est la concentration momentanée, kanika samadhi. Le premier type de concentration s'obtient lorsqu'on médite sur un seul objet. Ce type de concentration s'obtient par la pratique de la méditation de la tranquillité. Dans ce type de méditation, la seule chose qu'on demande à l'esprit, c'est de se maintenir sur un seul objet à l'exclusion de tous les autres. Ceux qui suivent le chemin de la concentration continue vont devenir capables d'expérimenter ce type de concentration, surtout s'ils atteignent l'absorption, les jhanas. La pratique de vipassana, par contre, a pour but de développer la sagesse et de permettre aux méditants de réaliser les différents stades de connaissance vipassana. La sagesse, les connaissances, sont bien sûr la connaissance de base, comme la différence, la différenciation entre l'esprit et la matière, la compréhension intuitive du lien de causalité qui unit les phénomènes, la perception directe de l'impermanence, de l'insatisfaction et du non-soi de tous les phénomènes physiques et mentaux. Ce sont les connaissances de base, mais il y en a encore d'autres que le méditant devra franchir avec succès s'il veut atteindre la conscience du chemin et du fruit qui prennent Nibbana ou la cessation de la souffrance pour objet. Dans la pratique de Vipassana, le champ d'observation des différents objets est crucial. Dans Vipassana, ce sont tous les phénomènes physiques et mentaux, toutes ces choses qui peuvent être ressenties directement sans avoir à passer par la réflexion intellectuelle. En d'autres mots, lorsqu'on pratique Vipassana, on observe toutes sortes d'objets dans le but de comprendre leur véritable nature. La concentration momentanée, le second type de concentration, est donc de toute première importance dans la pratique de Vipassana. Les objets dans Vipassana apparaissent et disparaissent continuellement. Et la concentration momentanée se manifeste chaque fois qu'un objet est noté. Malgré sa nature momentanée, ce type de samadhi peut se manifester sans interruption de moment en moment, sans qu'il y ait aucun oubli. Si ceci se produit, cette concentration momentanée partage alors avec la concentration continue le pouvoir de tranquilliser l'esprit et de maintenir les kilesas à distance. Imaginons que vous soyez assis, occupé à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous faites un effort pour être attentif sans interruption à ces deux processus. Vous êtes dans l'instant présent. Chaque instant d'effort et d'attention sera accompagné d'une autre activité mentale, la pénétration. C'est comme si l'esprit était collé à l'objet d'observation. Vous tombez dans l'objet, vous le pénétrez. L'esprit est focalisé sur l'objet. Il pénètre l'objet. Il s'y maintient calmement. Mais ce n'est pas tout. Cet esprit concentré, appelé samadhi, a le pouvoir de rassembler les facteurs mentaux qui apparaissent en même temps que cet instant de conscience. La concentration est un facteur qui rassemble l'esprit. C'est sa fonction. Elle maintient les facteurs mentaux groupés de façon à ce qu'ils ne s'éparpillent pas, ne se dispersent pas. En conséquence, l'esprit reste fermement incrusté dans l'objet. Il y a ici une analogie avec les parents et les enfants. Les bons parents souhaitent que leurs enfants se développent bien, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils aient de bonnes manières et qu'ils soient responsables moralement pour devenir des adultes accomplis. Pour y arriver, ils exercent un certain contrôle sur leur progéniture. Les enfants ne sont pas encore mûrs, ils manquent de sagesse et de discernement. Les parents doivent donc s'assurer qu'ils ne vont pas avoir de mauvaises fréquentations. Les facteurs mentaux sont donc comparés aux enfants. Tout comme les enfants qui ne bénéficient pas de la guidance de leurs parents sont susceptibles de mal se conduire, de se faire du tort à eux-mêmes et aux autres, l'esprit qui n'est pas contrôlé va également subir de mauvaises influences. Les kilesas, ce sont les pollutions mentales, ne sont jamais très loin. Si l'esprit n'est pas contrôlé, il va facilement se mélanger avec des états négatifs comme l'aversion, le désir, la colère, l'illusion. L'esprit va alors devenir sauvage, mal élevé, ce qui va se manifester sous forme d'actions physiques et vocales perturbées. Tout comme l'enfant, l'esprit va résister au début. Mais petit à petit, il va se contrôler, devenir civilisé, il va se tranquilliser et sera moins vulnérable aux attaques des kilesas, des pollutions mentales. L'esprit concentré se tranquillise de plus en plus. Il devient de plus en plus calme, de plus en plus paisible. Cette sensation de paix et de tranquillité est la manifestation de la concentration. La concentration est la cause immédiate pour la sagesse. Ceci est très important. Lorsque l'esprit sera devenu calme et tranquille, il y aura de l'espace pour la sagesse. Il va y avoir compréhension de la véritable nature de l'esprit et de la matière. Le méditant va peut-être avoir la vision pénétrante de la différence entre l'esprit et la matière. Il verra peut-être la relation de cause et d'effet. Petit à petit, la sagesse va pénétrer dans des couches de plus en plus profondes de la réalité. Le méditant verra très clairement les caractéristiques d'impermanence, de souffrance et d'absence d'un soi permanent. Et finalement, il va pénétrer dans la cessation de la souffrance. Lorsque cette illumination se produit, la personne ne redeviendra plus jamais grossière comme avant, quel que soit l'environnement dans lequel elle se trouve. Le Bouddha a dit que l'attention sage, si elle est maintenue de façon continue et qu'elle est dirigée vers le développement de la concentration, est la cause pour la concentration. Un moment de concentration est la cause pour les moments de concentration qui suivent. Les commentaires donnent 11 moyens supplémentaires de faire apparaître la concentration. Le premier de ces moyens, c'est la pureté des bases internes et des bases externes, du corps et de l'environnement. Maintenir les bases internes, le corps, dans un état de propreté veut dire qu'il faudra se doucher régulièrement, se laver les cheveux, se soigner les ongles, s'assurer le bon fonctionnement des intestins de façon à ce qu'on ne soit pas constipé. Maintenir les bases externes dans un état de propreté veut dire porter des vêtements propres, balayer, faire les poussières, nettoyer sa chambre. Tout ceci va aider l'esprit à devenir clair et pur. Si on voit un environnement sale qui n'a pas été maintenu en ordre, la confusion mentale ne tardera pas à arriver. Mais si l'environnement est propre, l'esprit devient pur et clair. Cet état mental est très propice au développement de la concentration. La deuxième cause pour la concentration, c'est le fait de maintenir en équilibre les facultés de contrôle. La foi, la sagesse, l'attention, l'énergie et la concentration. Quatre de ces facultés forment des paires. Il y a tout d'abord la sagesse et la foi, ensuite l'effort et la concentration. La pratique dépend essentiellement de l'équilibre de ces paires. Si la foi est plus forte que la sagesse, le méditant va devenir crédule et il pourrait être submergé par trop de pensées dévotionnelles. Tout ceci sera un empêchement à la pratique. Mais par contre, si ce méditant fait preuve de trop de connaissances, que sa sagesse, sa compréhension est excessive, il pourrait devenir rusé et manipulateur. Il y a facilement moyen de se tromper, même à propos de la vérité. L'équilibre entre l'effort et la concentration va se faire comme ceci. Si quelqu'un se montre trop enthousiaste, qu'il travaille de façon trop énergique, son esprit va devenir agité et il ne pourra plus se focaliser correctement sur l'objet d'observation. Il va glisser à la surface de l'objet, son esprit va vagabonder et tout ceci va donner lieu à beaucoup de frustration. Mais trop de concentration, cependant, peut mener à la paresse et à la torpeur. Lorsque l'esprit est tranquille, qu'il semble se maintenir sur l'objet facilement, le méditant va relâcher son effort et en conséquence, il ne tardera pas à s'assoupir. Le maître de méditation doit faire attention à maintenir les facultés de son élève en équilibre. C'est quelque chose de très important s'il veut guider correctement les élèves. La façon la plus basique de maintenir l'équilibre de ses facultés, de rétablir l'équilibre lorsqu'il est perdu, c'est de renforcer la dernière faculté, l'attention. La troisième cause relève plutôt de la pratique des jhanas qu'au pur vipassana. Je ne vais donc la mentionner que très brièvement. Il s'agit de devenir très habile dans l'art de manier l'objet. Ceci veut dire qu'il faudra maintenir l'image mentale très clairement dans l'esprit. C'est ce que l'on fait lorsque l'on pratique la méditation de la tranquillité. La quatrième cause consiste à stimuler l'esprit lorsqu'il est devenu lourd, déprimé ou découragé. Vous aurez certainement tous eu des périodes difficiles dans votre pratique. Lorsque vous vous trouvez dans une période difficile, vous devez essayer de stimuler votre esprit, de l'encourager en appliquant diverses techniques pour faire surgir l'énergie, la joie ou la sagesse. Encourager l'esprit qui est déprimé est également une des tâches du maître de méditation. Lorsque le yogi arrive à l'entretien avec un visage défait, le professeur sait ce qu'il doit faire pour l'encourager. Parfois, il sera nécessaire de calmer l'esprit agité. C'est la cinquième cause qui mène au développement de la concentration. Les yogis auront parfois des expériences fascinantes au cours de leur méditation. Ils vont alors devenir très excités et agités. Ils ont trop d'énergie. Dans ce cas, le professeur ne doit pas les encourager. Le professeur va demander à son élève de se calmer, de se ressaisir et d'observer sans faire trop d'efforts. Mais si l'esprit est déprimé, desséché à cause de la douleur, il sera peut-être nécessaire de l'égayer. C'est la sixième méthode pour faire surgir la concentration. Un yogi va parfois se sentir déprimé à cause de l'environnement ou tout simplement parce qu'il a des douleurs dues à une ancienne maladie qui refait surface. Son esprit va alors devoir être encouragé, rafraîchi, de façon à ce qu'il redevienne clair et aiguisé. Vous pouvez essayer d'y arriver de toutes sortes de façons. Le professeur également peut égayer votre esprit, le rendre plus alerte, non pas en vous racontant des plaisanteries, mais en vous donnant un enseignement encourageant. La septième façon de faire surgir le samadhi, c'est de maintenir une attention en équilibre dans toutes circonstances. Parfois, lorsque la pratique s'approfondit, vous aurez l'impression de ne plus devoir faire d'efforts. Vous êtes encore attentif aux différents objets qui apparaissent et disparaissent, mais ceci sans effort. Si c'est le cas, vous ne devez pas interférer. Et si cette allure confortable vous semble trop lente, que vous aurez peut-être l'envie de donner du gaz. Vous aurez envie sans doute de réaliser le Dhamma plus vite. Si vous essayez d'accélérer votre allure, vous allez mettre en péril l'équilibre de l'esprit et votre attention va s'émousser. D'autre part, il est possible que, étant donné que cette situation est si agréable, que ça fonctionne si facilement, il est possible que vous vous relaxiez exagérément. Ceci aussi va amener une régression dans votre pratique. Donc, lorsque vous constatez que vous pouvez pratiquer sans trop d'efforts, de façon automatique, acceptez simplement cette situation et observez de cette façon, sans toutefois perdre l'élan que vous avez obtenu. Vous devez éviter la compagnie des personnes qui ne sont pas concentrées et vous associer avec des personnes qui sont concentrées. Ces deux choses sont la huitième et la neuvième cause pour l'apparition de la concentration. Les personnes qui ne sont ni calmes ni paisibles, qui n'ont jamais développé la concentration, sont en général très agitées. Il est souvent arrivé que des personnes qui n'avaient jamais médité se rendent dans un centre de méditation pour le visiter et qu'ils ressentent la tranquillité et la paix qui règnent dans ce centre. Ils reçoivent les vibrations des méditants qui travaillent sérieusement. Il est même possible que certains visiteurs décident de se lancer dans la pratique. Tout ceci semble très naturel. Du temps du Bouddha, il y avait un roi appelé Ajatasattu. Ce roi avait tué son père pour lui voler son trône. Il passa alors un nombre incalculable de nuits d'insomnie. à cause de cet acte très négatif. Finalement, il décida d'aller consulter le Bouddha. Il traversa la forêt et arriva dans un groupe de moines qui étaient occupés à écouter paisiblement et avec concentration un sermon du Bouddha. Il est dit que Ajatasattu se retrouva subitement sans remords et sans agitation. Il fut envahi par un calme et une tranquillité qu'il n'avait plus connus depuis très longtemps. La dixième méthode consiste à réfléchir à la paix et à la tranquillité que procurent les absorptions jhaniques. Ceci concerne les yogis qui ont pratiqué ce type de méditation et qui ont atteint précédemment la pure tranquillité. S'ils se remettent en mémoire la façon dont ils ont procédé pour atteindre les jhanas, ils peuvent réutiliser cette même méthode pendant quelque temps, de façon à faire surgir la concentration. Ceux qui n'ont pas encore réussi à atteindre les jhanas peuvent se remettre en mémoire des moments où leur concentration momentanée était très forte, lorsqu'ils avaient cette sensation de paix et de fixité de l'esprit. S'ils se remettent en mémoire la sensation d'être libre des empêchements et la paix de l'esprit qu'ils expérimentaient à ce moment-là, grâce à leur concentration momentanée qui était activée de façon continue, ils pourront faire ressurgir la concentration. La onzième et dernière cause pour la concentration, c'est d'incliner l'esprit de façon permanente vers le développement de la concentration. Tout dépend de l'effort qu'on fournit à chaque instant. Si vous essayez d'être concentré, vous allez réussir. C'est tout pour aujourd'hui. En développant votre concentration, puissiez-vous tous atteindre la véritable paix de l'esprit et la sagesse ultime. Sadhu.